Chez le titre, c'est la dernière recherche de la cavalerie. C'est de gars valeureux, prêt à die sur le ring. J'ai le rythme, la diction, le kiff et la diction. Y'a pas de beef, il s'agit que de rip et Artixon. J'ring grave, t'as les ciné, tu peux pas le crier. Tous gars dans mon titre, tu peux pas le crier. Mes pas sont dans les cieux, tout éparpillé. Je rappe comme un dieu, je me fais pas prier. Accroché à mes idées quand les rêveurs bougent. A peine lâché mes titres et déjà le player shoot. Mais ils disent qu'ils ont le game qui me pèse et me trouve. Que j'ai du mal à la balle et j'suis pas Etherbrook. Nettoyer sa crasse, car il bug depuis la mort de Christopher Wallace. Surtout oublie les MC qui ont des skills fils. Surtout oublie les MC qui ont des deals fils. Des clowns, des marionnettes, ici qui défilent devant les maisons disent qu'il les anaque et les enfile pisse. Au mien, microphone flingue sous le parka. Le rap français nous aille tel la France et la burqa. Enfin stratège, on prépare le disaster. Comme Kenny Wasson et le monde pour le monster. Chut, en silence, on fait les choses en science, entre nous hip-hop est la seule cause. On a avance de nature plutôt calme. Nous juge pas fils, même tu nous connais mal. On lâche rien, on veut la victoire au final. Quoi comme rof, on est des véritables animales. Lokida, yeah, Lokida. Lokida, méfie-toi, Lokida. Lokida, yeah, Lokida. Lokida, méfie-toi, Lokida. Lokida, yeah, Lokida. Lokida, méfie-toi, Lokida. Lokida, yeah, Lokida. Lokida, méfie-toi, Lokida. Lokida, yeah, Lokida. Lokida, méfie-toi, Lokida. Lokida, yeah, Lokida. Lokida, méfie-toi, Lokida.